my love, my love. I can hear my love. Tell me, where have you gone? Oh my love, I can kiss you, my love. Tell me, where have you gone? Black is in so I can digest you. I will chase you. Forever away, I can feel today. I'm returning my love. Up a tighter and fast, following my gut, tuning up every rock. You're disappearing, my love, an even louder than this. Please fill me up. Cut the tidings and bring to you new sins of a kid. Come to me, black it in, so I can digest you. I will taste you. My help will die in the hole. Don't you ever chase you. Mon amour, mon amour, je ne te parle, mon amour. Dis-moi où tu en es. Mon amour, mon amour, je te sais pas, mon amour. Dis-moi ce que je fais. Pensez-toi, viens vers moi. Et ce fait te valer. I will chase you. Mon bonheur petit de sans fin. Laisse-moi te tenter. I will chase you. D'ici loin, je te quitte pas du tout. Fond de cœur et amour. Plus et plus femme, si tu m'en obstacles, tu sens le meilleur hiver. Tu te fasses mon amour, tu te plus qu'une âme. Oh, reviens-moi. J'ai de bonnes nouvelles, oublie tout passé, je te pardonne. Viens-moi, pense-toi, vas-y, vers tes valets. Chase you, mon appétit est sans fin. Laisse-moi te tenter. I will chase you. I will chase you. Got a big mouth. I will chase you. Pensez-toi, Elle se fait te parler à haute cieuse. Tu sais, je t'écoute d'attitude devant ma gueule et âme. Je te plus simple femme, c'est si mon obstacle sans me mettre le verre. Fasse mon amour, tu t'es plus qu'une ombre, oh reviens-moi. Je t'ai promis un verre, s'oublie tu peux c'est, je t'ai pardon. Viens vers-moi, embrasse-toi, elle se fait te valer, à tes yeux. Thank you.